Ça va bien. Non, ça va bien. On va ouvrir avec un mot de prière, ça vous va. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a ce matin ensemble dans ta parole. On est béni de pouvoir la lire, avoir le temps d'y réfléchir, la méditer, pour pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, toi, tu nous parles. Maintenant, ce que tu demandes en retour, c'est que nous, on écoute, puis qu'on mette en pratique. Alors, je te prie qu'on soit tous attentifs ce matin, Seigneur, par ton esprit, et que chacun puisse comprendre ce qui lui revient. Dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Je vais commencer par lire un passage dans 1 Pierre. En passant, Roger. Cachez-vous, Roger. Si tu pourrais mettre le chant après, qu'on a Jésus notre avocat, là. Jésus notre avocat devant Dieu. OK. 1 Pierre 1, je n'ai pas obligé d'y aller, je vais juste le lire. Mais c'est vraiment aujourd'hui, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment le sujet. 1 Pierre 1, 1, 13 à 16. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est vraiment ça que Dieu appelle son peuple. Et Dieu nous exhorte à faire ça. Le texte qu'on va regarder ensemble ce matin va dans ce sens-là. Puis ça adresse un aspect précis de la sainteté. Et on va lire le texte, là, mais juste avant, le sujet dont on va parler, non seulement ça entache les personnes concernées, mais ça entache Dieu directement. Et c'est pas le but ce matin de mettre un fardeau sur personne, non? Mais que chacun puisse saisir que Dieu est un Dieu jaloux, prêt à tout pour garder sa bien-aimée près de lui. Et le texte ce matin qu'on regarde, on est dans le contexte de Nombre, et on vient de rassembler tout le monde, les mettre par tribu, les mettre autour du tabernacle, on vient de donner les jobs aux Lévites, particulièrement les sacrificateurs, puis tous ceux qui vont travailler autour pour le sacerdoce. Donc, tous les Lévites sont impliqués là-dedans. Et puis là, quand ça c'est fini, la première chose qu'on fait, Gilles nous parle au chapitre 5 au début, de péché extérieur. Et comment Dieu veut qu'on traite les péchés extérieurs. Mais là, le texte qu'on va regarder ensemble, dans Nombre 5, à partir du verset 11 à 31, Dieu, là, vraiment adresse une problématique qui le concerne lui personnellement. Alors, l'exhortation ce matin, c'est « Soyez saints dans toute votre conduite. » Il n'y a pas de détails qui passent inaperçus devant Dieu. Mais il y a des choses plus importantes. La chose la plus importante, je pense, pour Dieu, c'est celle-là qu'on va regarder. Alors, on va lire ensemble Nombre 5 à partir du verset 11. Tout le monde est là? J'avais remarqué que j'aurais pas beaucoup de slides ce matin, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais c'est peut-être une bonne chose. Ça vous oblige à lire dans votre Bible. Encore ceux qui ont des téléphones, ça serait mieux que ça soit dans votre Bible. Parce que c'est intéressant, quand on regarde la Bible, on voit le texte avant, le texte après. Quand on regarde sur nos petits téléphones, on voit juste un petit morceau. Hein? C'est vrai? D'accord. Nombre 5, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, Intéressant comment Dieu prend le temps là, de tout mettre sûr qu'on a bien compris là, puis qu'on n'est pas en train de négocier avec lui. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'effort de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, n'y mettra point d'encens, qu'elle sorte une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira « Amen, Amen ». On va voir que j'explique une couple d'affaires ici, là. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se déchèchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a déception sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Amen. Bon. Fait qu'on vient de le lire. Je répète, l'exhortation ici, c'est soyez saints dans toute votre conduite. Ce qu'on va regarder, je vais y aller par étapes, là, mais on va regarder trois aspects qui nous montre comment Dieu agit dans le cas de l'iniquité dans son peuple. Mais juste avant, on est dans le désert. On est au début de la deuxième année. On vient de faire le campement, on vient de s'installer, on vient de faire toutes ces choses-là. Et en même temps qu'on fait ça, Dieu a aussi donné à Moïse la loi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a passé 40 jours sur la montagne. Fait que la loi, elle est très détaillée dans Lévitique, le livre qu'on a sauté par-dessus par crainte de s'enfarger dans trop de détails. Mais Dieu fait en sorte qu'on est obligé d'y retourner régulièrement quand on avance dans Nombre et Deutéronome et tout le Nouveau Testament, parce qu'on y retourne constamment. Le sacerdoce est bien décrit dans Lévitique. Mais pour nous, il faut juste comprendre que jusqu'au chapitre 10, on est encore à la même place. Et donc, quand on est en train de regarder cette partie-là, là, on pensait que Moïse est allé sur la montagne, il est redescendu, il explique la loi, on construit le temple, tout ça. Mais en même temps, Dieu dit à Moïse de parler au peuple sur certains des sujets particuliers. Fait que là, on est juste en train de regarder dans nombre, jusqu'à 10, certains sujets particuliers qui sont très importants aux yeux de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple, il le prépare physiquement, toute l'organisation, puis là, spirituellement. Au chapitre 5, là, on rentre du côté spirituel. Premièrement, les relations les uns avec les autres, puis deuxièmement, la relation avec Dieu. Mais l'exemple qu'on va prendre, c'est le mariage. Le mariage, c'est le sujet ce matin. Mais en fait, le sujet, c'est la fidélité entre les époux. C'est vraiment ça qui est en question ici, là. OK? Pourquoi? Parce que le mariage, nous, le mariage, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, là, malheureusement. Puis même pour ceux qui sont sincères, qui veulent se marier avec des bonnes intentions, est-ce qu'on a vraiment compris le sens du mariage? Le mariage, c'est une alliance sacrée entre un homme et une femme. Puis pour le peuple juif, puis même du temps de Jésus, on ne se mariait pas, oui, pas se marier parce que l'autre est belle, hein, on connaît bien que c'est arrivé avec Jacob. La femme de Jacob, c'est Léa, mais Jacob aimait mieux Rachel. Fait qu'il y a eu Rachel en deuxième. Sa femme, c'est Léa, celle que Dieu lui a donnée. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit bien que pour Dieu, la femme de Jacob, c'est Léa. C'est Léa qui est enterrée avec Jacob, pas Rachel. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, c'est très important pour lui. C'est comme l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et la maison de Jacob. C'est la même alliance. Quand Dieu parle d'Israël, il parle de sa bien-aimée, son épouse. C'est la même alliance que Christ avec l'Église. Quand on parle de l'alliance entre... Quand on regarde, c'est l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. C'est une alliance. Dans le contexte juif, c'est deux personnes qui se mettent d'accord dans un projet de vie, puis elle n'est peut-être pas super belle, puis elle n'est peut-être pas super macho, le gars, là. Ça n'a pas rapport. C'est qu'ils voient un intérêt commun à s'unir dans un projet commun. Puis ce qui bénit le projet commun, c'est le nombre d'enfants, particulièrement, désolé les filles, particulièrement le nombre de mâles. Non, mais c'est sa postérité. L'homme est fier de sa postérité. Il se marie pour ça. Il se marie pour avoir une descendance. Pas juste parce qu'elle est belle. Puis il y a une alliance. En fait, dans l'union, l'homme s'engage. Avant de se marier, là, il va donner une dot à sa femme. Il y a un paquet d'affaires. Ils vont écrire un contrat dans lequel, là, déjà, avant de partir, là, elle est protégée. Si jamais il se passe quelque chose, elle est protégée. Les lois de l'Ancien Testament semblent sévères, mais elles sont là pour protéger particulièrement la femme dans un contexte de mâle alpha qui ont les yeux ailleurs, dans le sens la guerre, la conquête, des enfants, je ne sais pas quoi. Mais la femme, elle, dans cette alliance-là, accepte de ne pas être celle qui est en avant, accepte de ne pas être celle qui a la direction, accepte de suivre la direction de celui avec qui elle est engagée. Puis, parce qu'elle fait ça, l'alliance du mari envers l'épouse, c'est qu'elle a l'assurance de la providence puis de la protection de l'homme dans cette alliance-là. Elle a cette assurance-là. Bon, est-ce qu'il va être honnête puis il va le faire? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est le reproche que Dieu fait. Mais c'est ça, l'alliance. C'est à ça qu'il s'engage. Et l'épouse montre son acceptation de sa position et sous l'autorité de son père et éventuellement de son mari. Comment? En se couvrant la tête. La femme juive, dans la tradition, puis même aujourd'hui, a la tête couverte. Pas parce que, je ne sais pas quoi, là, parce qu'on dit dans 1 Corinthiens, quand on parle de ça, c'est à cause du paganisme autour, puis c'est à cause que les prostituées qui étaient dans la ville, etc., ils avaient la tête rasée, fait que là, on faisait une allusion aux cheveux. Non! Quand on comprend la tradition, non, elle le portait par signe d'humilité, de modestie. Elle accepte l'autorité de son chef. Ça va? Puis c'est très important, là, parce que dans le texte qu'on va lire, là, il se passe quelque chose qui vient enlever temporairement l'autorité de l'homme sur sa femme, puis on va voir comment ça se fait. OK? L'homme est le chef de l'Alliance, comme Christ est le chef de l'Église, et il doit la protéger. Il protège l'Alliance qu'il vient de faire. Il protège donc sa femme, ses enfants, tout ce qui va avec, parce que c'est l'alliance à laquelle il s'est engagé. C'est important pour lui. Son épouse, c'est le reflet de qui il est, lui. C'est la source de sa joie, puis elle lui assure une postérité. Je ne sais pas si vous savez, là, mais dans 38 ans, là, on a passé de 603 000 hommes de combat, là, hommes de troupes, hein, à 600 000. Mais seulement deux des 603 000 quelque chose vont faire partie des 600 000 quelque chose. Ils sont tous morts dans le désert, les autres. Savez-vous quoi? Ça fonctionnait, la multiplication. quand ils sont rentrés, ils étaient 75 quand ils sont rentrés en Égypte, puis ils étaient 600 000 hommes de pied quand ils sont sortis d'Égypte. Ça, ça compte pas les femmes, les enfants, les vieillards. Ça compte pas ce monde-là. Là. Fait que ça veut dire qu'il était à peu près 2 millions en l'espace de 400 ans. En l'espace de 38 ans, on va remplacer tous les hommes par d'autres hommes, à peu près au même chiffre. Donc, il était... comment on dit ça? Il se multipliait bien. Là, je cherche le mot, là. Mais... Productif. Fécond, merci. Ils étaient... fécond. Sa femme, c'est la source de sa joie. C'est elle qui assure la postérité. S'il a la moindre fierté, il va défendre son alliance avec elle. Il va la défendre avec sa vie. En ce sens, il est justifié d'être jaloux. Pas jaloux, là, parce qu'il y a un autre qui regarde ma femme. Pas ça, là. Jaloux de cette alliance-là. Il ne veut pas que personne vienne l'endommager. Un gars fait des beaux yeux à sa femme, là, non, on va régler ça drette tout de suite. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ça, là, c'est la chair de ma chair, c'est ma femme. Mais transposé à Dieu, on a dit tantôt, c'est comme l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, la maison de Jacob, Israël. Dieu a une alliance avec elle et il la chérit au point de donner sa vie pour elle. Et il va le faire, hein? Ben, Christ l'a fait. Donc, il est justifié d'être jaloux. Puis, il est en droit d'exiger que sa femme lui donne la réciproque, que l'épouse soit jalouse de cette alliance. Bon, qu'est-ce qui vient foutre le bordel là-dedans, excusez-moi? Qu'est-ce qui vient déranger ça? Ben, c'est le péché. Le péché vient déranger ça. Vient déranger l'alliance de Christ et son Église. Le péché vient déranger l'alliance d'Israël avec Dieu. Le péché vient déranger l'alliance de l'homme avec sa femme. C'est quoi le péché? Mensonge, hypocrisie, demi-vérité. C'est le pire ennemi d'une alliance. Le péché soupçonné doit être mis en lumière parce qu'il vient mettre en danger la paix dans le couple, dans la famille immédiate, puis dans tout le camp, dans toute l'Église. Tu sais, les murmures, là, c'est ça qui tue. Fait que si les murmures sont fondés, ben, il faut régler le problème. Si les murmures ne sont pas fondés, il faut taire les murmures. Alors ici, on a une situation qu'on vient de lire où il y a des murmures. On ne sait pas comment il est arrivé. Dans le cas hypothétique, là, ça ne nous dit pas qu'est-ce qui pourrait amener l'homme à douter de sa femme. OK? Mais il doute. Et parce qu'il doute, ben, vous autres, là, quand vous doutez de quelque chose, faites quoi? Vous laissez faire? On valide comment? On est méfiant, on valide comment? Wow! J'ai oublié de dire, on a de la visite ce matin. Nadia, c'est la fille de Cassida, la sœur de Mélissa. C'est-tu Mélissa la semaine passée? Non, Naveni. OK, désolé. Donc, on a de la visite ce matin. Vous pourrez lui dire bonjour après, à Nadia. Bien, oui, idéalement, là, on va aller à la source, OK? Mais dans la vraie vie, c'est ça qu'on fait? Des fois, oui. Mais des fois, on fait une petite enquête. Savez-vous, ça fait les petites enquêtes? Ça répand le soupçon. Ça répand le soupçon. Hein? Puis là, c'est le soupçon. Là, mettons qu'on doute de la madame, là, qu'elle a peut-être trompé son mari, parce que le mari en parle à d'autres. « C'est-tu moi qui rêve? » Ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Fait que, ben là, les autres commencent à regarder, commencent à soupçonner, puis à un moment donné, elle va faire une erreur, la pauvre madame. Puis là, on va dire « Ah, c'est vrai, parce que, gars, l'erreur. Deux mensonges, ça fait une vérité. » Fait que, voilà. Comment on doit faire? Il faut que ça soit mis en lumière le plus vite possible. Pourquoi? Pour ne pas mettre en danger la paix dans le couple, dans la famille immédiate, dans tout le camp. Dans notre texte, là, on est confronté à deux péchés. On pense qu'on est confronté à un, mais on est confronté à deux péchés. Le premier, c'est cela de potentiellement l'adultère. Potentiellement l'adultère. Parce qu'on ne le sait pas tant qu'on n'aura pas fait le test. Vous êtes d'accord? OK, potentiellement l'adultère. Deuxièmement, la jalousie. Il soupçonne. Si tu soupçonnes, qu'est-ce que ça fait quand deux personnes sont des amis puis l'un commence à soupçonner l'autre? Dans le couple, l'un commence à soupçonner l'autre. Dans la maison, hey, mon 5 piastres, là, il y a quelqu'un qui l'a pris. Qui a pris mon 5 piastres? Non, mais c'est toi qui l'as fait tomber tantôt, là. C'est comme, tu vois, mais quand tu n'as pas les faits, on soupçonne, puis là, on commence à réagir basé sur des perceptions, des impressions. On a besoin de régler le problème, comme a dit Nadia, à la source. L'adultère, si elle était... Si la femme est prise en train de commettre l'adultère, c'est quoi selon la loi? Je vais juste vous dire, si vous allez voir dans Lévitique 20, verset 10, vous allez voir dans Deutéronome 13 et 17, on nous dit quoi faire, OK? S'il se passe quelque chose, qu'on vient de dire au sacrificateur, voici ce qui est arrivé, le sacrificateur va poser des questions. Mais dans un cas d'adultère, si les deux sont pris sur les faits, est-ce qu'on a besoin d'un procès? Qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement. Lapidation. OK? C'est réglé. Même pas besoin de procès. On les a pris, excusez l'expression, là, mais on les a pris sur le fait, les culottes baissées. Voilà. Lapidation, pas de question. On n'a pas besoin de preuve. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de soupçon. C'est carrément pris la main dans le sac. OK? Comment on le sait? Bon, on les prend en flagrant délit. Mais si on est dans le doute, nombre 5, qu'on est en train de regarder, ils vont nous dire comment faire. La jalousie, la sainte jalousie, c'est pas comme la convoitise. Être jaloux de ce que mon voisin a, ça c'est de la convoitise. Est-ce que vous me suivez? Mais être jaloux de ce qui m'appartient dans le sens que je veux le protéger, j'y tiens, c'est important pour moi, ça c'est pas un péché. Parce que si c'était un péché, Dieu est un pécheur. Parce qu'il est jaloux de son alliance avec son peuple. Je vais vous lire qu'est-ce que les dictionnaires disent sur le sujet. La jalousie, c'est l'engagement saint que Dieu a vis-à-vis de son honneur, de sa gloire et de son amour qui se manifeste dans le salut de son peuple et dans la juste condamnation de tout ce qui se dresse en opposition face à lui. Les dictionnaires, eux autres, ça c'est ce que la Bible dit. Les dictionnaires nous disent, la jalousie sont constamment uniformes. Ils font souvent la distinction entre la variété humaine de la jalousie et celle qui est censée caractériser Dieu. Tous les dictionnaires font ça. La jalousie humaine est décrite comme un sentiment de jalousie humaine, un sentiment de ressentiment à l'égard de quelqu'un en raison de sa rivalité, son succès ou ses avantages. Elle se caractérise par des craintes suspectes ou un ressentiment envieux ou en découle, ou de ce qui en découle. Une autre définition parle d'un sentiment ou l'expression d'un ressentiment envieux à l'égard de quelqu'un, de ses réalisations, de ses possessions ou de ses avantages qu'il perçoit. Ces deux définitions mettent en évidence les aspects négatifs de la jalousie. Alors, dans le cas où le gars est jaloux, puis il soupçonne, bon, dans quel domaine est-il? Est-il jaloux? Sa femme est plus populaire que lui, elle a plus d'amis que lui, je sais pas là. Ou est-il jaloux parce qu'il sent vraiment une menace sur son alliance? Est-ce que vous me suivez? En même temps, les mêmes dictionnaires reconnaissent aussi que la jalousie humaine n'est pas toujours négative. Aussi, par exemple, ils parlent de la jalousie comme d'une vigilance à maintenir et protéger quelque chose, ou comme le fait d'être farouchement protecteur des droits ou des biens de quelqu'un, ou comme étant une vigilance pleine de zèle. Cette autre composante de la jalousie nous rapproche de la jalousie telle qu'elle s'applique à Dieu, que le dictionnaire explique comme étant son intolérance à l'égard de l'infidélité ou de la rivalité. Son intolérance à l'égard de l'infidélité ou de la rivalité. ou comme l'exigence de fidélité et d'adoration exclusive. Est-ce que vous voyez la jalousie de Dieu, là? C'est ça. Aussi utile que puisse être cette définition comme point de départ, elle n'en exige pas moins que nous revenions aux Écritures et que nous nous encarrions de la manière dont Dieu parle de sa jalousie et de ce que cela signifie exactement pour les humains en général et pour les croyants chrétiens en particulier. C'est intéressant qu'on retrouve ça là-dedans. Donc, le péché, il y en a deux potentiels. La jalousie, c'est un péché si c'est tourné vers la convoitise, mais ce n'est pas un péché si c'est sur protéger ce que Dieu m'a confié. Est-ce que vous me suivez? OK. Deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que le mari a pleine autorité. Le mari a pleine autorité, là. Il peut régler la chose par lui-même. Nombre 5, 19, 29 et 30, dans ce qu'on vient de lire, nous dit qu'il a, sa femme est sous sa puissance. Vous comprenez ça? Elle est sous son autorité. Il a le pouvoir de faire quelque chose. Éphésiens 5, 22 à 33, je n'irai pas le voir, mais les versets 29 et 30 en particulier. Bon, Éphésiens 5, ça vaut la peine, non? Juste les versets 29 et 30. Juste vite, vite, je ne veux pas les mal citer. Il parle de... OK, je vais dire 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Je vais juste faire un pont ici, là. Il nous parle à nous, l'Église. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Hein? Fait que ici, il fait le même pont que dans l'Ancien Testament. Il a la responsabilité, le mari, de prendre soin de sa femme. Il veut le faire. Il s'est investi. Mais en même temps, c'est important pour lui, là. C'est fondamental. C'est tout son honneur, toute sa gloire, toute sa réputation dépend de cette relation-là qu'il a avec sa femme. Fait que quand c'est menacé, il n'est pas heureux. Ouais, c'est ça. Fait que les trois points sur lesquels je veux avancer, c'est que Dieu a désigné un sacrificateur pour régler la cause ici dans l'histoire qu'on a lue. Dieu a ordonné la façon dont la vérité doit être mise en lumière. Ça, c'est intéressant de regarder tous les petits détails qu'il y a là-dedans. Puis Dieu révèle, c'est lui-même qui révèle la vérité. Puis en la révélant, ce qu'il fait, c'est qu'il accorde la justice, la paix dans les personnes concernées, puis dans le peuple. Hein? Puis en même temps, on peut ajouter la crainte. Il met en évidence qui il est pour qu'on le craigne. Fait que Dieu a désigné un sacrificateur pour faire connaître sa volonté. C'est qui le sacrificateur? C'est un homme qui a été sanctifié, hein? Quand on présente les animaux, là, premièrement, le sacrificateur s'est purifié lui-même. S'il s'est purifié lui-même, premièrement, on rentre dans le tabernacle, dans le parvis, tout ce qui est là, a été sanctifié. Okay? Tout est prêt. Fait que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui a été sanctifié. Il représente Dieu, faisant parfaitement ce que Dieu demande. Il va suivre parfaitement tout ce que... Hey, c'est au reste de leur vie, hein, vous savez ça? C'est pas de niaisage, là. Fait que quand on vient voir les sacrificateurs, quand on rentre dans le tabernacle, là, dans le parvis, là, tu ne rentres pas là à n'importe comment, là. Il se présente devant le représentant de Dieu. C'est comme si c'était Dieu qui était devant eux. Quand Moïse parle, c'est comme Dieu a parlé. Et là, Moïse décrète qu'est-ce qui va se passer. Et là, c'est Moïse qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Puis dans l'Ancien Testament, c'est la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus le sacrificateur. Juste qu'on fasse un pont. On change de contexte. Dans l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui exécute la loi. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le sacrificateur qui a accompli la loi. Fait que, mais il y a quand même un sacrificateur. Et la Bible nous dit que Jésus, là, c'est notre avocat devant Dieu. C'est pour ça que j'aimerais qu'on le chante, qu'on réalise qu'est-ce que ça veut dire. Et... si on lit Jean 3, 16, on lit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, il a payé le prix, hein? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on voit après que Jésus n'est pas venu juger, il est venu sauver. Mais si tu crois, hein, t'es sauvé, mais si tu ne crois pas, t'es déjà jugé. Hein? Jésus, il joue le rôle de quoi? Du sacrificateur, là. Alors Dieu, il met un processus formel, rigoureux, solennel. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Puis Dieu promet d'intervenir si on s'approche de lui pour avoir la réponse. 1 Jean 9 nous dit à nous que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est lui qui le fait. Mais là, on est dans l'Ancien Testament. Fait que c'est le sacrificateur qui doit faire le travail. Ça va? Puis en fait, Jésus, il a payé pleinement pour l'ensemble de nos péchés. On est pur devant Dieu. Eux, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y a un péché, il faut qu'ils reviennent devant le sacrificateur. Ça va? Dieu a ordonné la façon dont la vérité doit être mise en lumière. Les concernés doivent s'approcher de Dieu, sachant clairement, on est dans le désert, hein? On vient de sortir d'Égypte. Il vient d'arriver certains événements, premièrement les 10 plaies d'Égypte, Dieu est-tu sérieux? Traverser la mer Rouge, Dieu est-tu sérieux? Après, il va se passer d'autres événements où on voit Dieu qui tranche, Dieu est-il sérieux? Absolument. OK, fait que les gens, ils doivent s'approcher de, l'homme et la femme doivent s'approcher devant Dieu, sachant clairement par l'expérience personnelle, ou peut-être par le témoignage des autres, que la sainteté de Dieu est tranchante. Juste mettre dans la peau, là, dans le cas qu'on vient de lire. Si le mari a un doute sur sa femme, il amène sa femme au sacrificateur. Savez-vous ce qu'il l'amène? Vous voyez, là, ça, c'est le tabernacle. Il y a une porte d'entrée du côté est, ce qui est en bleu. Okay, vous voyez, là? Hein? Il faut qu'il l'amène à l'intérieur. À l'intérieur, tout est sanctifié. Ils vont se présenter. D'habitude, là, c'est les hommes qui rentrent là, pas les femmes. D'accord? C'est les hommes qui rentrent là. Les hommes, ils rentrent, ils amènent du bétail pour le pardon des péchés. Là, lui, là, le mari, il va amener sa femme, mais il n'amène pas de bétail. C'est un soupçon. On cherche à savoir. Il faut qu'ils s'approchent, puis ils savent que Dieu ne tolère pas le péché. Bon, lui, le monsieur, il faut qu'il se parle, hein, parce que de quelle jalousie qu'on parle ici, là? Hein? Madame, elle s'approche, elle sait très bien de pourquoi qu'elle s'approche là, là. Ça va? L'homme amène sa femme avec une offrande de jalousie. Un dixième d'effort de farine, d'orge, sans huile ni encens. Savez-vous c'est quoi l'offrande de jalousie? En fait, il l'appelle aussi l'offrande du souvenir. C'est qu'il y a une autre offrande que les gens qui viennent dans le tabernacle peuvent faire. Ça s'appelle l'offrande du souvenir. C'est parce que, je ne me souviens pas le détail exact, là, mais c'est qu'au début, quand l'inauguration du temple, il y a eu une offrande du souvenir qui était faite exactement de la farine d'orge avec de l'huile et de l'encens qui est brûlée sur l'autel. Une partie est brûlée sur l'autel, puis l'odeur qui monte plaît à Dieu. Puis c'est en souvenir de toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées. Okay? Fait que l'offrande du souvenir, c'est ça. Mais ici, là, ils vont amener un dixième d'effort de farine d'orge sans huile ni encens. Bon, moi, je peux. Nathalie a fait du pain, là. Ceux qui font du pain, vous prenez de la farine, vous faire un beau tas avec, mais tu essaieras de prendre une bouchée là-dedans, là. C'est de la farine. Bien, si tu rajoutes de l'huile, puis quelque chose qui. Des épices qui donnent du goût, là, ça va faire une pâte. C'est plus facile un petit peu à manipuler. Puis quand tu le fais cuire, ben, ça fonctionne. Mais si tu n'as rien, tu as juste de la farine, tu as juste de la farine. Et donc, ici, ce qu'ils amènent, c'est une offrande qui est associé à l'offrande du souvenir, mais c'est appelé jalousie. Fait que quand il va en prendre une poignée, il va en prendre une partie puis qu'il va la faire brûler, est-ce qu'il y a une bonne odeur qui monte? Non, il n'y a pas d'odeur. Ou il y a l'odeur de la farine, point. C'est de la farine brûlée, genre. Hein? C'est ça l'odeur qui va monter. Ça ne plaît pas à Dieu qu'on soit là, devant lui, parce qu'il y a un doute entre deux frères, entre un mari et son épouse, entre deux frères, entre deux hommes, deux femmes dans le peuple de Dieu. On se présente devant Dieu, mais il y a quelque chose de caché. Ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé nos affaires. Fait que là, c'est Dieu qui va trancher. Est-ce que vous me suivez? C'est pas une odeur. Il n'y a pas la bonne odeur qui plaît à Dieu. Ça va? À l'intérieur du parvis, dans la maison de Dieu, devant le représentant de Dieu. C'est peut-être un petit peu gênant. C'est comme si tu te faisais arrêter puis on t'amène devant un juge. Là. Puis si tu es le moindrement populaire, les journaux vont être là, la télévision, tout ça. Là, c'est un peu embarrassant. Puis même si tu as raison, c'est quand même embarrassant parce que pendant que tu es devant le juge, tout le monde attend de savoir si tu es coupable ou pas coupable. Parce que des fois, on va peut-être apprendre quelque chose. Hein, t'sais. Tout le monde pense que tu es une bonne personne, blablabla. On peut concevoir que tu pourrais avoir fait ceci ou cela. Mais la réalité, c'est que tu l'as fait. Bon, ben, ça va être gênant quand ça va arriver. Ça doit être stressant en plus. Si tu ne l'as pas fait, il y a quand même des murmures, des articles de journaux. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, là, mais vos médias sociaux. Là, il y a toutes sortes de versions sur tous les sujets. C'est humiliant d'être là. C'est stressant. Mais en plus, tu sais que quand Dieu va trancher, la conséquence est terrible. Est-ce que vous me suivez? Mais le mari est à côté de sa femme. Il est avec elle. Pourquoi il est là? Parce qu'il veut la faire condamner ou parce qu'il veut être rassuré que tout est correct? Elle est là, on pourrait penser, « Bah, si elle n'a pas péché, là, qu'est-ce que tu penses de ton mari? » Il me soupçonne. Pourquoi il me soupçonne? Ben là, je peux être du côté du mal encore ou je peux être du côté de « je désire profondément que mon mari soit rassuré que j'ai rien fait. » Tout est dans le cœur. Est-ce que vous voyez ça, que tout est dans le cœur, tout est dans nos pensées? Puis la décision va être prise là. Hein? Là, là. Elle ne ressort pas de là, elle, sans qu'il y ait eu quelque chose. Bon, côté positif, là, j'ai essayé de trouver une photo. Pas une photo, hein, parce qu'il n'y avait pas de caméra dans ce temps-là. Mais une image qui nous montre le tabernacle de côté. De côté, là, ben, vous voyez un petit peu les personnages, hein? Le mur, là, il est plus haut que les personnages. Donc, du camp, si tu le regardes de côté, tout ce que tu vois, c'est le top de la tente d'assignation, puis la fumée quand il y a des sacrifices ou des affaires comme ça. C'est tout ce que tu vois. Donc, le couple qui se présente devant un sacrificateur, là, c'est comme en privé. C'est pas exposé à tout le monde. C'est entre eux et Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut faire ça, nous aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas? D'aller voir le sacrificateur. Puis si on est deux, y aller ensemble, voir le sacrificateur, en privé. Matthieu 18 dit quoi? Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas seul à seul, premièrement. Matthieu 18, si ton frère a péché, toi, tu y vas toi seul. Tu vas en parler avec ton frère. Puis si tu gagnes ton frère, c'est fini, on n'en parle plus. Jamais personne ne va en parler. C'est réglé. Si tu ne gagnes pas ton frère, tu vas chercher deux, trois témoins. Des témoins, là, pas des témoins qui ont nécessairement vu la chose. Des témoins de la conversation que tu vas avoir avec ton frère pour être sûr que la conversation est vraiment honnête, que les choses se sont vraiment dites. Témoins de la conversation, puis témoins de l'attitude de la personne. Et là, si vous gagnez votre frère ou votre soeur, bien, c'est réglé, on n'en parle plus. On ne va pas aller le dire à toute l'Église, là. Quand ils vont sortir de là, s'ils sortent un côté de l'autre, heureux, la main dans la main, personne n'a rien à dire. C'est comme ça. S'ils sortent un après l'autre, là, c'est peut-être différent. Et là, on va voir le texte, qu'est-ce qu'il dit, puisqu'on va le relire. Je vais juste vous mettre dans le contexte. Et là, quand ils se présentent devant, là, qu'est-ce qu'il fait le sacrificateur? Il lui découvre la tête. Pourquoi il lui découvre la tête? parce qu'elle est sous la puissance de son mari. Et on voit le même texte dans 1 Corinthiens 11, quand on parle du port du voile dans l'assemblée. C'est le même sujet, OK? Là, puis là, Paul est dans son époque. Puis là, on peut dire, bon, aujourd'hui, c'est différent. Bon, OK, on pourra avoir un autre débat, là. Mais le fait est qu'à l'époque, là, quand Paul écrit dans 1 Corinthiens, c'est tradition courante, c'est comme ça que ça marche, OK? Et quand et je répète, le port du couvre-chef, c'est en signe d'humilité, de modestie devant mon chef, qui est l'homme, mon mari, OK? Là, le sacrificateur enlève... Qu'est-ce qu'il vient de faire? Son mari est à côté d'elle. Il enlève son couvre-chef. Là, maintenant, c'est elle devant Dieu. Lui n'est plus là. Le mari n'est plus là. On va aller chercher la bénédiction de Dieu. Puis après, si elle n'est pas coupable, elle va remettre son couvre-chef, puis ils vont ressortir ensemble. Si elle est coupable, ça ne nous donne pas de détails trop de comment ça va se passer, sauf que la malédiction est avec elle. Ça va? Là, il va prendre l'offrande du souvenir. C'est à peu près 3 litres de farine. Puis il lui met dans ses mains. Bon, j'espère que c'est pas juste de même, hein. J'espère que c'est dans un plat ou quelque chose. Fait qu'il lui met dans les mains de la femme. Il prend l'offrande du souvenir que le mari a apporté et il le met dans les mains de la femme. Et là, il a fait jurer qu'elle comprend ce qui va se passer. Elle comprend que là, elle va boire de l'eau amère, tout le processus, je lui ai expliqué, elle va le comprendre, puis que si elle a péché, OK, ce qui va y arriver. Si elle n'a pas péché, ce qui va lui arriver. Et là, elle doit jurer en disant « Amen, Amen ». Ça veut dire « OK, c'est beau, j'ai compris qu'il en soit ainsi ». T'imagines, si tu as péché et que tu dis ça, boy, elle était devant le sacrificateur, là. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira devant Pierre? Oui, mais la première chose, Pierre, on va dire soupçonne, là, l'équivalent, Pierre le sait, là. Il le sait, il est averti par l'Esprit de Dieu. Pierre questionne Ananias et Ananias ment ouvertement. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment tu peux mentir à l'Esprit de Dieu, genre, puis penser d'en tirer? Tombe à terre. On le prend, on l'emporte. Et là, la crainte s'empare de ceux qui sont présents. Saphira arrive quelques heures plus tard, elle rentre, Pierre lui demande, « Hey, ton mari nous a dit que, est-ce que c'est vrai que? » Ben oui. Okay. Comment vous avez fait pour vous mettre ensemble d'accord pour mentir au Saint-Esprit? Et puis comme les gens ont emmené ton mari, ils vont t'emmener à ton moteur. Okay. Ici, là, c'est semblable, on est devant Dieu. En fait, c'est arrivé dans le Nouveau Testament, hein? Fait que si c'est arrivé dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 11, quand on parle de la Sainte-Sainte, là, on dit quoi? Il dit comment vous vous comportez quand vous êtes dans la maison de Dieu, entre les uns, entre les autres, puis vous faites ceci, vous faites cela. C'est pour ça qu'il y a des morts, puis il y a des malades parmi vous. Pourquoi? Parce que vous déshonorez Dieu dans vos relations. Comme vous venez, Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu, là, vous faites n'importe quoi, vous êtes totalement charnel. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est vrai aussi. Dans le Nouveau Testament. Fait qu'il prend l'offrande du souvenir, OK, et là, elle dit Amen. Là, il prend l'offrande du souvenir que le mari a apporté, qui est dans les mains de la femme, il en prend une poignée, puis le fait brûler sur l'autel. Puis après ça, il va lui faire boire les eaux amères, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, les eaux amères sont faites comment? Si vous regardez là, il y a la cuve d'eau, là, pour laver les mains. Ça, c'est de l'eau sainte et propre. Je suppose que c'est là qu'il va prendre l'eau. Il prend de la poussière du sol. On est là à l'intérieur du tabernacle. C'est saint. Le sol est saint. Quand Moïse présente devant Dieu au buisson ardent, il dit, Dieu lui dit, Moïse, enlève tes sandales parce que ici, c'est un lieu saint. Ici, c'est le lieu saint. Fait qu'il prend de la poussière. Après, il va écrire, il faut qu'il écrive l'imprécation, donc le texte qu'on vient de dire, là. Il l'écrit sur du papier. Puis après, il prend les eaux amères, c'est-à-dire l'eau avec de la poussière dedans. Il lave le papier ou peu importe, puis l'encre revient. Hein? Fait que là, maintenant, tu as de l'eau, tu as de la poussière, puis tu as l'encre avec laquelle les paroles ont été écrites. C'est les paroles de Dieu qui sont écrites. s'est mis dans l'eau. Là, elle va le boire. Intéressant, il est où le péché? S'il y a péché, il est où le péché? Personne ne le sait. C'est qui sonde les cœurs? C'est Dieu. Dieu seul sonde les cœurs, OK? Fait que le péché est intérieur. Elle va prendre quelque chose qui représente la sainteté de Dieu. Et c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il va là où est la vérité ou le mensonge. Et il va y avoir une conséquence qui vient de l'intérieur. Ça s'appelle les eaux amères. Je n'ai même pas trouvé pourquoi ça s'appelle les eaux amères. Mais on peut un petit peu deviner que ça ne doit pas être si excitant. Un. Deux, c'est que c'est pas une situation plaisante. Dieu n'aime pas cette situation-là. Puis le résultat pourrait être très déplaisant. Parce que mettons que madame est innocente. Bon, le mari ne sera pas coupable de... Donc, si elle est coupable, le mari n'est pas coupable de faute. Mais ça ne dit pas que si elle est innocente, il est où le mari? C'est intéressant. On va le relire, OK? Après, là, qu'on a fait ça. Fait que... Elle boit les eaux, puis Dieu va révéler la situation. Ça va? C'est Dieu qui révèle la vérité puis qui accorde la paix. Si elle est innocente, c'est-à-dire que si elle ne s'est pas souillée, elle est reconnue comme ça, elle va être pure et sans faute. Elle va demeurer en santé puis elle va avoir des enfants parmi le peuple. OK? Elle va avoir des enfants. Si elle est coupable, tout son système reproducteur va être asséché. Parce que la cuisse sèche, là, en fouillant en anglais puis dans d'autres affaires, là, ça dit vraiment, là, en anglais, c'est pourri. Hein. Mais ça fait référence à son système reproducteur. Elle ne pourra plus avoir d'enfant. Son ventre va être enflé. Ça va être visible pour tout le monde. Fait que ça, c'est la chose qui va se passer. Ça dit pas que... Parce que vous rappelez que la loi, elle, si tu as commis l'adultère, c'est la lapidation. Mais ici, le texte ne dit pas ça. C'est que la malédiction va l'accompagner. Je voudrais revenir à Dieu. Dieu, là, son peuple, c'est Israël. Dieu, là, il les a punis, premièrement, la partie des 10 tribus d'Israël. Ils ont été envoyés en déportation. Il va dire même... Dans un petit peu plus tard, que Judas, qui est encore le préféré, va se détourner de lui. Mais même s'il se détourne, il va l'envoyer en déportation. Il lui dit à une place, « Je t'ai donné les lettres de divorce, c'est toi qui me les as demandées, mais je ne t'ai jamais rejeté. » Ici, là, c'est dans le texte qu'on a, c'est Dieu montre à Israël comment ce peuple-là est important pour lui. Puis il lui dit d'avance qu'ils vont le tromper, puis il dit d'avance quelles vont être les conséquences sur ce qui va arriver, sur le peuple. Mais il lui dit que les promesses qu'il lui a faites avec l'alliance était faite avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu a fait une alliance avec Abraham et il a promis qu'il y aurait une descendance éternelle et il y en a une. Okay? Mais pour Israël, elle va se détourner à répétition de son Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais rejeté. Fait que, si je le transpose dans la vie chrétienne, si je suis un enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai un avocat au ciel. Je peux lui parler tout le temps. D'accord? Je peux aller, Matthieu 6, quand tu pries, là, fais-le pas devant tout le monde, là, va-t'en dans un lieu secret. Ben, un lieu secret, d'après vous, c'est où? En dedans. Parle. Parle à ton Dieu, il t'entend. Mais si tu ne lui parles pas ou si tu résistes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tranquillement, une affaire à la fois, tu vas te détourner de Dieu au point éventuellement de te détourner du peuple de Dieu puis faire autre chose. Est-ce que vous me suivez? Elle, la femme, là, quand elle va sortir de là, qu'est-ce qui va arriver? Si elle est coupable, son mari est exempt de faute. Ça ne dit pas si est innocente. Bon, encore là, dépend du cœur. S'ils sont allés là tous les deux avec un cœur sincère, espérant vraiment que Dieu va mettre la vérité en évidence, puis que les doutes vont disparaître, puis tous les deux vont être rassurés, puis heureux de ça. Là, c'est comme on a eu une période difficile, mais Dieu nous a rapprochés. Comment? Dans la bataille, Dieu nous a rapprochés. C'est comme ça l'attitude, ça c'est la bonne attitude. La mauvaise attitude, c'est « Hey, t'es un beau smart, toi, tu m'as embarrassé devant tout le monde. Là. Hein? On est allé là, tu vois bien, hein? Je te l'avais dit. Hein? Maintenant, là, viens donc me demander une faveur pour le fun. Hey, va voir ailleurs si j'existe. Hein? Non, mais... On peut-tu s'imaginer ça? Certainement, hein? Mais c'est pas l'attitude que Dieu veut qu'on ait. Mais ça, on ne sait pas, parce que l'histoire ici, en passant, ça dit « si ça l'arrive, voici comment faire. » Ça n'explique pas comment tu te sens. Ça n'explique pas ce qui va se passer après. Mais le mari, là, mettons qu'elle est coupable, le texte dit que la malédiction va être avec elle devant tout le peuple. OK? Donc, on peut penser qu'elle va continuer à vivre. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Quand ils marchent avec Dieu, ils sont bénis. Quand ils ne marchent pas avec Dieu, qu'est-ce qui leur arrive? Tout leur tombe dessus. Les voisins savent qu'ils sont dans le péché. Ils peuvent les attaquer. Hein? Balak qui va demander à Balaam, « Donne-moi un truc, prie pour moi pour que je puisse envahir Israël. » Ben, je ne peux pas faire ça. Dieu va les bénir. OK? Mais... Balaam va donner un truc à Balak. Ça vous c'est quoi? Amène des femmes étrangères en Israël, tu vas les avoir. Tu vas les détourner de leur Dieu. C'est ça que tu vas faire. Son mari, il peut la répudier. Son mari, il pourrait demander qu'elle soit lapidée. Son mari peut la faire jeter hors du camp. Peu importe. Si elle vit, là, d'après vous, si elle est coupable puis qu'elle survit, c'est quoi le poids du péché? Tout le monde le sait, tu es à l'écart, tu t'es pas repenti, tu vis les conséquences de tes choix. Si tu n'as pas péché, c'est tout le monde le sait que tu n'as pas péché. Bon, c'est la même chose que Dieu nous montre avec Israël, mais c'est la même chose que Jésus nous dit pour nous dans le Nouveau Testament. Hein? D'être saint comme il est saint, c'est à ça qu'on est appelé. Là, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que je serai ici longtemps. Mais juste avant, je vais vous lire Jérémie. C'est pour ça qu'on lit ensemble, OK? Jérémie, on va lire juste un petit bout dans le prophète Jérémie parce que c'est tellement ça que Dieu leur dit, là. Jérémie au chapitre 3. Ça vous, c'est quand, ce Jérémie? Hein? C'est la dernière fois que Judas, hein, va être sous l'autorité d'un roi juif. Après, c'est fini. Jérémie 3, verset 8. Ah oh non, on va commencer à 6, OK? 6. C'est un petit peu long, mais je trouve que ça va la chose. Vous êtes là, Jérémie 3, verset 6. « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? » C'est quoi le péché ici? Infidélité. Est-ce que l'infidélité est déclarée? Absolument. Clairement. Il les a avertis, les a avertis, les a avertis, les a avertis. Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. C'est la même histoire là, qu'on lit dans Nombre 5. Là. On n'a même pas commencé comme peuple là, à faire quelque chose de concret. Là. On fait juste s'organiser. Il leur dit, « Garde, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. » Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, pas un adultère, tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocent en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens. Regardez Dieu ce qu'il dit. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Qu'est-ce qu'il devrait faire le mari de la femme? S'il la répudie, là, elle ne vivra pas longtemps. Hein. En plus, là, elle ne peut pas avoir d'enfant. À l'époque, là, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, là, peut-être servante de quelqu'un. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Bien, appliquez ça à n'importe quoi dans nos vies aujourd'hui ou l'Église. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence. Je vais juste arrêter là. Elle est coupable. C'est clair. Elle vit des malheurs, là. Les deux vivent des malheurs. Parce que Jérémie, quand il écrit, là, ils sont partis. Jérémie est dans la ville de Jérusalem, mais c'est pas drôle. Puis les princes et autres sont maintenant à Babylone, okay, avec Ézéchiel dans la ville, puis Daniel dans le palais. Okay? Fait qu'ils sont partis, ceux que Dieu protège, ceux qui marchent avec Dieu. Dieu les a pris à l'écart, mais tous les autres, là, hein, ils vont être exterminés. Mais le peuple d'Israël, Dieu ne l'extermine pas. Il ne brise pas son alliance, il est fidèle à son alliance. Dieu ne brise pas son alliance avec l'Église. Dieu ne brise pas son alliance avec un de ses enfants. Mais un de ses enfants peut perdre la joie de son salut s'il s'égare, s'il se laisse emporter par le péché. Fait que ce que Dieu fait, il nous rappelle. Mais à un moment donné, il ne rappelle plus. Ça devrait vous inquiéter. Ça va? Donc, la pureté du peuple de Dieu, hein, j'ai dit, je voulais leur lire, hein, je vais juste leur lire pour que ça reste ancré. Là. Nombre 5. Ça fait-tu 1h30 à peu près, là, Christian? Je sais pas. Ça fait combien de temps? Ah ouais? Yep. OK. Verset 11. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, pensez à Israël, pensez à l'Église. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur devant Dieu. Il va avec elle, apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge, mais il ne répandra point d'huile ni mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, mais pas un bon souvenir, qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. En fait, l'eau sainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu? Hein? Si on regarde les choses à la lumière de la parole de Dieu, ça ne nous trompe pas. Si on la regarde les choses à la lumière de notre raisonnement humain, ben là, on est dans le trouble. Allons-y avec la parole de Dieu. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Maintenant, là, c'est directement avec Dieu. En fait, aujourd'hui, là, savez-vous quoi? Tout le temps, hommes et femmes et enfants, on a accès directement à Jésus, n'importe quand. Et si on règle avec lui, c'est réglé. Si on ne règle pas avec lui, il va falloir régler avec les autres. Okay? Il découvrira la tête de la femme, lui posera sur les mains l'offrande de souvenir que son mari a portée, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme. Elle déclare qu'elle a saisi, puis elle dit « Amen, j'accepte la conséquence ». Elle la fera jurer, il lui dira « Je vais sauter un... Mais si étant, verset 20, si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné que tu te sois souillé, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction, à l'exécration au milieu de ton peuple. Ça, ce n'est pas la lapidation. Ça va être, tout le monde va le savoir, ton opprobre va être sur toi. En faisant dessécher sa cuisse et enfler son ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles, c'est le Seigneur lui-même qui parle à toi, qui parle à ton esprit. L'Esprit de Dieu parle à mon esprit. Qu'est-ce que tu fais? Et la femme dira Amen. Verset 23, le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis il s'effectuera avec les eaux amères. Ce qu'il écrit là, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va rentrer dans son cœur à elle. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront à elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande. Il l'agitera l'offrande d'un côté et d'autre devant l'Éternel. Il l'offrira sur l'autel. Ça vient de l'homme. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel, comme tous les sacrifices de souvenir. C'est après ça qu'il fait boire les eaux à la femme. Il me semble, là, juste dans le processus, là, quelque part, t'es-tu en train de réaliser, madame, si tu as péché? Puis, monsieur, t'es-tu en train de réaliser que peut-être tes soupçons sont faux? Hein? Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera ce qui devra arriver. OK? Il m'en va au verset 28. Mais si la femme ne s'est point souillée, qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente. C'est, avant, c'était peut-être un nobody, là. Mais là, elle est mise en évidence. Fait que sa justice est mise en évidence. Hein? Mais si elle a péché, elle va subir. Je cherche le verset. Si elle fait, là, le verset 30. Et pour le cas où un mari saisit un esprit à des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel. Et lui appliquera cette loi dans son entier. Le sacrificateur va faire ce que Dieu demande. Le mari, si elle est coupable, sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. On parle de la relation, l'alliance entre Dieu et moi, l'alliance entre Dieu et son Église. Nous, là, quand on est ici ensemble, là, on peut se raconter même des histoires, mais ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la base de tout ce qu'on fait. On doit être d'accord sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on la regarde en détail, pour la connaître, la mettre en pratique, découvrir la crainte de Dieu, puis marcher avec une conduite comme le Seigneur le demande. Soyez saints dans toute votre conduite. Amen.